C'est un jour de bilan aujourd'hui à Ville-Saguenay, car les Saguenay de Chicoutimi ont été éliminés dimanche contre les Titans de Cady Batters. Yannick Jean, l'instructeur-chef et directeur général des Saguenay, s'est adressé à la presse et a parlé avec Michel Tifo et Dominique Bolduc sur les ondes de CKJ. Donc, on écoute cet entretien. Avec Michel Tifo et Dominique Bolduc. L'instructeur chef et directeur gérant des Saguenay de Chicoutimi, Yannick Jean, a fait son bilan de la dernière saison en fin d'avant-midi en conférence de presse. On va lui parler dans le vestiaire. Yannick Jean, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu retiens de la saison 2017-18 des Saguenay de Chicoutimi? Ben, à prime abord, même si c'est une année de transition, on ne voulait pas faire de pas en arrière versus la fierté que les gens ont envers leur équipe. On est content de la manière que les joueurs ont compétitionné, de la manière qu'on s'est accroché, de la manière qu'on s'est développé en tant qu'équipe, que la chimie s'est installée avec 16 nouveaux joueurs. Donc, c'est plein de facteurs importants qui annonçaient une saison difficile par rapport au fait que personne pensait qu'on ferait les séries éliminatoires, que tout le monde pensait qu'on se ferait liquider en 4 matchs par Acadie Batters. Mais je pense que les gens ont montré qu'ils étaient contents de leur équipe, qu'ils étaient fiers des Saguenayens, peu importe le résultat au bout de la ligne, par rapport à la culture qui est en train de s'installer là, dans l'équipe. À la période des fêtes, Yannick, tu as pris la décision d'être vendeur. Est-ce que quelques mois plus tard, tu penses que ça a été la bonne décision à prendre? Oui, définitivement. Il fallait le faire pour le futur de l'équipe, pour le futur de l'organisation. On veut progresser, on veut être solide année après année à partir de l'année qui s'en vient. Puis en ayant là, plein de d'assets en retour là, dans les échanges de Galipo et Roussoff, je pense que ça l'augure bien là, pour le futur. Veux-tu bâtir l'identité des Sags pour les prochaines saisons avec des joueurs de caractère, un peu comme tu as eu cette année là, avec les Bleus? Ben, définitivement, tu sais, c'est un package. On avait des joueurs passionnés, on avait des joueurs qui se motivaient par eux-mêmes. Des joueurs, parce que on avait une motivation intrinsèque qui venait de l'intérieur. Il n'y avait pas besoin de l'entraîneur qui est des ra-ra-ra pour les motiver. Ça fait en sorte que, dans ce temps-là, tu as une constance qui s'installe. Puis, on a des joueurs également là, qui étaient vraiment fiers de porter le logo des Saguenayens et de faire partie de cette organisation-là. Pour le bénéfice de nos auditeurs et les partisans des Sags qui nous écoutent, peux-tu expliquer comment ça va fonctionner, le boulier là, pour le prochain repêchage? Quelles sont les chances des Saguenayens d'obtenir le premier choix? Il y a 21 boules de disponibles. 9 de ces boules-là seront la dernière position au classement général, qui était Saint-Jean. Shawinigan, qui a fini 17e, va avoir 6 boules. Ensuite de ça, Charlottetown, qui a le choix de Val d'Or, va avoir 3 boules. Les Saguenay vont avoir 2 boules. Et la dernière équipe, Sherbrooke, là, avec le choix de Moncton, va avoir 1 boule. Là, donc, on tire la première équipe. Si aussitôt que l'équipe qui est tirée a des boules encore dans le boulier, on enlève ces boules-là pour faire le tirage du deuxième choix par la suite. C'est un petit peu complexe, mais c'est la manière que ça fonctionne aussi également dans la Ligue nationale. Au moment où on se parle, Yannick, est-ce que la valeur de l'échange de Galipo-Rubsoff a augmenté? Qu'est-ce que tu veux dire par là, par la valeur, là? Ben, la valeur, avec ce qui se passe actuellement dans les séries éliminatoires, là, est-ce que tu penses que la valeur a augmenté pour le prochain repêchage? Par rapport aux séries éliminatoires du junior ou aux séries éliminatoires midget? Actuellement, là, ce qui se passe actuellement. Dans le midget 3 ou dans le junior majeur? Dans le midget 3. Ah, dans le midget 3, la valeur, ben, tu sais, on va avoir 4 choix dans les 22 premiers. C'est difficile de dire la valeur a-t-elle augmenté ou non. Mais tu sais, nous, on a fait nos affaires par rapport à la situation qu'on avait évaluée à ce moment-là. Dans la tête du directeur général des Sags, quels sont les besoins pour compléter l'alignement des Sags l'an prochain? Un joueur européen, un joueur de 20 ans possiblement. Un joueur de 20 ans acquis par transaction, un joueur européen. par rapport au qui va être acquis là, par le repêchage des joueurs européens à la fin du mois de juin. Donc, on veut entrer un défenseur et un attaquant pour ces deux choix-là, pour ces deux postes, ces deux casiers disponibles-là. Est-ce que tu es arrêté là, sur les joueurs de 20 ans pour l'an prochain, pour les Sags? Lavigne et Noss, là. On va rencontrer nos joueurs individuellement dans les prochaines heures, dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Lavigne et Noss partent avec une longueur d'avance. Mais on va attendre, avant de confirmer quoi que ce soit, on va attendre d'avoir rencontré tout notre personnel. Es-tu à l'aise pour partir la prochaine saison dans les buts avec Boutillier et Schenk? Oui, vraiment, définitivement. Deux gardiens de but qui ont pris un bagage énorme cette saison, en qui on a pleinement confiance. Du côté des échanges que tu as fait, l'an passé, tu avais réalisé la transaction des frères Climat, des jumeaux Climat. Est-ce que ça a été l'une de tes bonnes transactions en carrière? Oui, définitivement. On est vraiment contents d'avoir ça a tourné pour nous. On voulait à ce moment-là améliorer notre équipe. Oui, à court terme, mais améliorer notre équipe pour cette saison également. Ces joueurs-là, même si c'était des anglophones qui jouaient à Moncton dans un bon marché, se sont amenés avec nous. Quand on peut lire les commentaires de Kevin Climat dans le journal ce matin, j'ai jamais été aussi fier de faire partie d'une équipe que ça, qui est content de la chimie qu'il y avait également. Il n'avait jamais vu ça. Je pense que c'est mission accomplie de ce côté-là. Ça a été une très bonne transaction pour les Saguenay du Coutumier. Dans l'échange de Galipo, tu avais obtenu Kuznetsov. Est-ce que Roubsov, dans l'échange de Roubsov, tu avais obtenu Kuznetsov, c'est ça? Oui. Est-ce que lui, ça, il peut venir à Chicoutimi? Non, ben, il va avoir 20 ans. Ça serait, étant donné qu'on va avoir le 10e choix au Canada, et Kotkov, là, qui va revenir également, on ne pense pas là, avoir besoin d'un Européen de 20 ans qui viendrait prendre deux casiers. Donc, non, de ce côté-là. Mais on avait si on récupérait notre choix de deuxième ronde en 2020 si Kuznetsov ne jouait pas chez nous. Ce qu'on a déjà fait, Kuznetsov n'a pas joué, donc on a récupéré notre choix de deuxième ronde. Bon, dans la série avec Acadie Batters, d'abord, il n'y a pas grand-gens qui pensaient que les Sags allaient se rendre en 6. Bravo, vous avez connu une belle série éliminatoire. Tout le monde est très content. Est-ce que tu penses, Yannick, que dans les deux dernières parties, vous avez manqué un petit peu d'énergie? Non, on n'a pas manqué d'énergie. Je pense que Batters a levé son jeu d'un cran. Nous, on était à la pédale au plancher. Le pied sur l'accélérateur depuis le match numéro 1. Je pense que Batters peut-être nous avait peut-être pris à la légère. Ça a fait en sorte là, que on savait pas trop si l'eux allait progresser, mais nous, on avait la pédale au plancher au début. Je te disais plus qu'on a manqué de munitions pour rivaliser avec eux là, comme on l'a fait dans les quatre premiers matchs. Selon toi, Yannick, est-ce qu'il y a des joueurs de l'édition 2017-2018 qui ont plus progressé que les autres chez les Sags? Oui, il y en a. Tu sais, des joueurs qu'on n'attendait pas du tout. Je parle de Jérémy Diot en défense qui était en nomination par rapport à la sur l'équipe d'étoiles des recrues défensives. Tu sais, il y a des joueurs comme ça qu'on ne voyait pas venir. Je pense que nos deux gardiens de but, on s'attendait à des soirées difficiles. On avait deux gardiens qui n'avaient pas l'expérience quasiment au niveau junior avant que l'année commence. Nos deux gardiens ont connu là, leur bonne part de bons moments durant la saison. C'est très positif de ce côté-là également. Donc, oui, il y a quelques joueurs là qui ont été capables d'écarquiller les yeux. Quel sera le travail? Là, le coach est en vacances, mais le directeur général continue de travailler. Quel sera le travail du directeur général au cours des prochaines semaines? On va préparer. On a des bons choix. On va tout mettre nos efforts dans le but de continuer toutes les énergies qui ont été mises en œuvre cet été. Je pense que c'est vraiment ça la priorité. Et comment se fait le au revoir pour les joueurs? Parce qu'il y en a la plupart vont revenir l'an prochain, il y en a qui ne reviennent pas. Comment se fait le au revoir des joueurs là, au cours des prochaines heures? Bon, on fait une rencontre là, individuelle avec chaque joueur avant qu'il parte, puis on va avoir un 5 à 7, là, une rencontre, un party d'équipe là, vendredi soir. Yannick Jean, bravo à toi. Ça, je pense que les partisans sont heureux du dénouement des séries éliminatoires. L'équipe a bien performé. Alors, bravo. On se reparle très bientôt à quelques heures du repêchage. Merci à vous. Merci, Yannick Jean.